bienvenue à Mélomanes sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce 26 février 2020. Toujours heureux de vous retrouver en ce rendez-vous pour les amoureux de la musique exclusivement. Petit rappel, Mélomanes, c'est aussi un groupe Facebook dans lequel vous pouvez partager ce que vous voulez, échanger avec d'autres amateurs de musique comme vous, faire du rattrapage, etc. Adhérer et partager tous et tout autant que vous êtes. Et vous pouvez aussi faire du rattrapage si vous avez manqué une émission sous l'onglet Rediffusion sur cfnj.net. C'est vrai pour toutes les émissions de la station. Et sinon, ben, ce soir, ben, sans plus tarder, dernière semaine de notre marathon du mois de l'histoire des Noirs. Après Meloman, Motown, Stax et Jazz, eh bien, pourquoi pas, en cette soirée de tempête hivernale, se réchauffer le cœur. Meloman, Reggae, au 99.1 et 88.9, CFNJ. Full of the things you do, the everyday words

payaka, manakl and then go saka. Don't Et c'est à Méloman que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 en plein spécial reggae pour conclure notre marathon du mois de l'histoire des Noirs. Évidemment, on aurait pu y aller de moult styles musicaux différents, mais pourquoi pas finir ça en beauté et se réchauffer la couenne? On est assez puriste ce soir, majoritairement dans les classiques et principalement en Jamaïque, carrément. Évidemment, il y a du reggae un peu partout dans le monde, dont plusieurs magnifiques scènes en Afrique, entre autres choses. On aurait pu aussi explorer les influences que tout ça a eues sur la musique pop, mais ça, je l'ai déjà fait dans un grand spécial Jamaïque, jadis. Mais quand même, je pourrais pas vous parler de la dernière pièce qu'on a entendue, soit Junior Mervyn avec le classique Police and Thieves de 1977. Sans vous parler de l'influence incommensurable que le reggae a eue sur la première vague de punk en Angleterre. D'ailleurs, cette chanson-là en particulier va être reprise la même année par nul autre que The Clash. Et tout ça est pas étranger aux grandes communautés jamaïcaines qu'on peut trouver en Angleterre, mais aussi à Don Letts, qui était DJ au fameux Roxy, le club où les premiers punks vont passer beaucoup de leur temps. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que au début, la plupart des groupes n'avaient pas encore enregistré de disques. Donc, au mieux, il y avait un certain trafic de cassettes non officielles et autres. C'est ce qui a fait que Don Letts a introduit beaucoup de gens, qui lui-même étant jamaïcain, et il a introduit beaucoup de gens qui se tenaient là à ses albums de reggae et de dub. Et c'est ce qui aurait fait que le reggae, le ska et le dub ont toujours été omniprésents dans le monde du punk. D'ailleurs, les Clash vont être dans les premiers à aller faire des petits voyages en Jamaïque et en allant chercher encore plus d'inspiration. Vont suivre, entre autres, The Police aussi, même s'ils n'étaient pas exactement un groupe de punk, mais qui sont pas mal nés au même endroit et au même moment. D'ailleurs, parenthèse, semblerait que le groupe The Police était plus ou moins accepté par la communauté punk parce qu'il était un petit peu trop bon comme musicien, ce qui respectait plus ou moins l'esthétique un peu plus crue du punk. Mais ça les a pas empêchés d'incorporer la musique jamaïcaine merveilleusement bien, à leur œuvre. Stuart Copeland, entre autres, batteur du groupe, qui va adapter tout ça de main de maître. Juste à écouter des trucs comme Walking on the Moon, mais bref. On s'égare un peu parce qu'on a aussi entendu Scotty avec Draw Your Brakes, sa reprise de Stop That Train du groupe ska de Spanish Tonians, qui va apparaître sur la fameuse trame sonore du film The Harder They Come, qui va s'avérer une des premières cartes de visite pour la Jamaïque en 1972, juste avant que ça explose avec un certain Bob Marley. Mais avant ça, il y avait quand même des Harry Belafonte qu'on connaît avec Day-O, Jump in the Line, qui va devenir Hey Lolita au Québec, Jamaica Farewell, des Johnny Nash et non pas Cash avec I Can See Clearly Now, Desmond Decker, dont on va reparler tantôt, des Jimmy Cliff aussi, sur la fameuse trame sonore de Harder They Come. D'ailleurs, aussi exceptionnel et incontournable puisse-t-il être, on va quand même remarquer ce soir qu'il est loin d'avoir seulement un Bob Marley dans le reggae, même si c'en est l'ambassadeur incontesté et avec raison. Mais bref, sinon, on a aussi entendu un grand exemple d'un sous-genre qu'on va appeler le dub, qui vient de overdub, le processus par lequel on va ajouter des pistes par-dessus des pistes déjà existantes en studio. Mais le dub, c'est pas mal plus que ça. On pourrait simplement qualifier ça comme une espèce de reggae psychédélique, la plupart du temps instrumental, où on va manipuler le son, enlever certains éléments comme la voix, rehausser la basse, la batterie, souvent ajouter des effets comme beaucoup de reverb, et on se gênera pas pour être excessif. Souvent, on va prendre, par exemple, un 45 tours de Bob Marley, la face A, ça va être le single, et la face B, mais ça va être la version dub de la même chanson, et la musique électronique et le rap, entre autres, doivent une fière chandelle au dub, parce que ça va être des manipulations qui vont être faites aussitôt que dans les années 60. Et bien entendu, il va y avoir des maîtres du dub, et deux d'entre eux se sont rencontrés en 1974 pour la pièce qu'on a entendue juste avant tout ça, soit Augustus Pablo, connu pour être un joueur de Melodica, et King Tubby, avec un titre qui évoque justement leur rencontre, T King Tubby meets Rockers Uptown de l'album essentiel du même nom. Chose qu'on a entendue après le groupe Culture, très roots, un style aux questions-réponses très influencé par la religion Rastafari. On a entendu Culture avec Iron Sharpening Iron en 1978, juste après les magnifiques Heptones avec Cool Rasta en 76, groupe qui nous vient des premiers balbutiements du reggae d'un style qu'on appelait le Rocksteady. On va reparler tantôt, mais pour l'instant, on y retourne. Meloman Reggae in a Rub-a-Dub style au 99.1 et 88.9 CFNG. Thank you. let's get together and live in one love and one unity, you know. Rebel in the morning, rebel in the evening too. Now don't you be like a devil when I play with sounds called a rebel, rebel, rebel. Can hear what I say, let there be love. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Here I am. return of the bullet. Thank you. Cali in Seaport Town. Watch your back, the Cali man. I'm the best Cali weed in town. Toujours un mélomane reggae ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9 avec une production de Lee Scratch Perry, un nom omniprésent dans le monde du dub et du reggae, un gars qui va faire de son studio un véritable instrument. Et on a déjà exploré son travail dans plusieurs chansons déjà depuis les deux premiers blocs sans qu'on s'en rende compte, parce que c'est en arrière de la console qui se trouvait, comme par exemple tantôt pour Police and Thieves de Junior Mervyn, la fameuse pièce que les Clash avaient reprise. Et avec ce qu'on vient tout juste d'entendre, la magnifique Fisherman des Congos en 1977, une pièce où on peut entendre tous les petits détails et la palette sonore qu'utilisait tel un peintre, Lee Perry, l'homme fou du dub. Chose qui était précédée de quelque chose d'un peu plus vieux, Rico Rodriguez, un tromboniste ska et reggae qui va travailler avec ben du monde, dont le groupe The Specials, un groupe anglais très important qui va sévir dans ce qu'on va appeler le two-tone ska, premier mouvement à fusionner le ska avec à des éléments de punk rock. Donc, voyez-vous, encore cette perpétuelle association entre le reggae et le punk. Mais là, c'est dans sa carrière solo qu'on a entendu Rico Rodriguez avec The Bullet en 1969, qui était précédé de nul autre que Bob Marley et ses Wailers à leur début Roots Reggae en 1971 avec le classique Sun Is Shining en version originale jamaïcaine, s'il vous plaît, parce que Bob Marley, quand il va signer avec Island Records, distribué par Universal, va réenregistrer plusieurs chansons, dont Sun Is Shining, dans des versions beaucoup plus propre, destiné au monde entier. Mais là, on a eu droit à la version originale, beaucoup plus crue et peut-être imparfaite, mais quant à moi, beaucoup plus sentie, plus intéressante, plus typiquement jamaïcaine. Et je sais pas si c'est moi, mais on dirait qu'il fait plus chaud et que le soleil brille plus fort sur cette version-là. Et devinez qui était derrière la console enregistrée Bob Marley et les Wailers. Eh bien, c'était encore l'homme fou du dub, ce cher Lee Scratch Perry. Donc, ça ajoute encore plus de valeur à l'enregistrement en question qu'on a entendu juste après U-Roy avec Natty Rebel en 1976, qui reprend l'air célèbre de Soul Rebel de Bob Marley, justement, mais U-Roy va la reprendre en déclamant des textes différents par-dessus. Et c'est ce qu'on va appeler dans le monde du reggae et du dancehall un DJ. D-E-E-J-A-Y, tout simplement. Mais pas dans le sens où on l'entend habituellement, ne pas confondre avec les DJ qu'on connaît. Ça va vraiment être une façon de faire tout à fait justement, on va déclamer des textes comme ça sur des beats existants. On va aussi parfois les appeler des toasters, pas dans le sens de grille-pain, évidemment, mais dans le sens de faire un toast, peut-être. Et sans ces fameux DJ, ben pas de Sean Paul et compagnie dans le monde du dancehall jamaïcain. Pas besoin de vous dire que déclamer des textes sur un beat, ça a aussi eu une influence peut-être sur ce qui va devenir le rap aux États-Unis aussi. Donc, on peut dire, sans trop se tromper, que autant dans les manipulations sonores que dans les effets de s'exprimer sur la musique, le reggae a été instrumental dans la création du rap et des musiques électroniques. Et juste avant ça, ben, on a remonté dans le temps jusqu'en 1970 avec The Melodians et une chanson que vous connaissiez probablement, soit Rivers of Babylon, que Boney M. va remettre au goût du jour en 1978 en Europe tout d'abord, mais c'est bel et bien une chanson jamaïcaine originellement, même que c'est un chant religieux Rastafari et les Melodians, ben c'est un bel exemple de ce qui s'est passé entre le ska et le reggae avec un style qu'on va appeler le rocksteady, ni plus ni moins une espèce de ska plus lent inventé par une journée particulièrement chaude et qui était chantée, pour vous faire une image mentale, par des groupes vocaux du type des Temptations, souvent des trios, mais qui sonnent reggae. Des trios vocaux aussi qui font beaucoup d'harmonie, mais d'ailleurs, souvent, ils vont être grandement influencés par The Impressions, un groupe de Chicago dans lequel on pouvait retrouver Curtis Mayfield. Il va avoir une grosse influence sur les Wailers de Bob Marley, qui ont d'ailleurs eux aussi commencé comme un groupe de rocksteady, avant d'embrasser le Rastafari et de devenir Roots Reggae en bonne et due forme. Et tout ça qui avait été amorcé par King Tubby, une légende du dub dont on a parlé tantôt avec Waterhouse Rock. Mais là, on remonte en 1967 avec une chanson justement de style rocksteady qui va redevenir un hit mondial en 1994, deux fois un hit dans sa vie de chanson, par la même artiste en plus, une de nos rares représentantes féminines ce soir, mais non la moindre. On écoute Dawn Penn au 99.1 et 88.9 CFNJ. You don't love me, yes I do. Listen to Thinking about the dollar bill. Say in that money, she don't want no lovers, honey. She want the money, she don't want no lovers, honey. She want the money. Well, I tell you, girls, in my youthful days, I never loved another man of my age. And then the dime he came along, made me smile all the while. He stood tall and strong, so strong, so strong. Young man of strength, but that is nonsense. No, she want pay line bill and rent, and you know you happy, you have a thick dividend, and down the line your pocket a fee have lent, and make sure you say that your dollars are be full of strength. Stood up for me when no one cared. Stood up for me where other men were dear. Made me know go send Nancy wrong. Cause we a deal with a foundation. Leave the young man on go mash up a plan. And she want some dollars in her hand. I'm in love with a man nearly twice my age. Don't know what it is, but it's a hit from my youthful days. As I go my way, I don't care what people say. I'm in love with a man nearly twice my age. She don't want no angle, chubby, chubby. I go to this, she want no angle, chubby, chubby. I go to this, she not love us, honey. What she want is money, she not love us, honey. What she want is money. The woman is dealing with maturity. That's why she not go take none under 30, 35 and 40, 45 and 50, 55 and 60. The woman want money. Girls, this is my advice to you. A man that age has good experience. He'll treat you good, he'll treat you well. He may make you rich and proud, so you won't have to bow, won't have to bow. Young man, I'm strength, but that is nonsense. She want a man to let her broke up fence. She want pay line bill and rent and make sure that your pocket is of length and your collateral's a fit full up a strength. I go to be chubby, I go to be. She not love us, honey. What she want is money. She not love us, honey. What she want is money. I'm in love with a man nearly twice my age. Don't know what it is, but et poudrerie par endroits au courant de la nuit, 10 à 15 cm d'accumulation, les températures qui sont stables entre moins 3 et 0 degrés pour cette nuit. Neige parfois forte et poudrerie par endroits, jeudi, les accumulations de 20 à 30 cm pour le centre et sud de la Nodière, 10 à 20 cm pour les secteurs du nord. Température à la baisse pour atteindre moins 3 degrés en après-midi. Pour le centre et sud de la région, les températures stables à moins 2 pour les secteurs du nord. Et vendredi, calme après la tempête, ciel nuageux avec quelques flocons. Maximum de moins 10 à moins 7 degrés. CFNJ 89.1 89.9. Et toujours en plein mélomane reggae, ce soir avec un succès souvenir de 1989, une chanson qui a sûrement évoqué la fameuse version de François Pérusse à plusieurs. Mais tout ça remonte à Terry Jacks avec Seasons in the Sun, et même avant ça, parce que tout ça nous vient d'une mélodie et de paroles en français, bien sûr, composées par Jacques Brel. Donc cette mélodie-là, c'est Jacques Brel qui l'a composée pour Le Moribond. Ça a été popularisé par la suite par Terry Jacks aux États-Unis avec Seasons in the Sun. Et ben le titre de la version qu'on a entendu là, ben là c'était Twice My Age, interprété par Crystal, notre deuxième femme de la soirée avec Dawn Penn, en duo avec Shabba Ranks, qui va être une figure très importante du mouvement dancehall, un style un peu plus de club, qui va nous mener vers des Shaggy ou des Sean Paul, pour nommer les plus connus seulement, évidemment. Et c'est un rythme qui, du côté latin des choses, va aussi être apparenté d'assez près à ce qu'on va appeler plus tard le fameux reggaeton, qui est, ma foi, tenace et assez présent sur toutes les pistes de danse encore aujourd'hui. Et sinon, ben juste avant ça, gros hit des années 80, issu des communautés jamaïcaines très présentes en Angleterre, dont on parlait tantôt. On a entendu Musical Youth avec Pass the Dutchie de 1982, précédé du maître du dub de la génération qui a suivi, les maîtres Lee Scratch Perry, King Tubby et Augustus Pablo qu'on a entendu tantôt, un gars qu'on appelait tout simplement Scientist et qu'on a entendu ici pardon, avec Beam Down, extrait de l'excellent album Space Invaders de 1981. Et là, on va y aller d'un gros hit de John Denver, repris par le groupe qui a inventé le mot reggae. On écoute Toots and the Maytals au 99.1 et 88.9 CFNJ. Yeah. listen. Most heaven, West Jamaica, sure is a mountain shining down the river. All my friends there, holding on those reeds, young and then the mountain, going like a breeze. From the road, baby, home, world of pain, I need a home, where to make up my mama, take me home, from the road. Yo, wait a minute. I heard a voice in the morning, passing past me. Shoot them away. be a shan shanty town. Good by a bum of the town. A shanty town. But he's get tired. A shanty town. So if you get longer. A shanty town. Good by a weep and a wear. A shanty town. And I, Father, the truth, Father, the truth, the truth, the one that to tell you the truth. Which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war, miss a war. That until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, miss a war.

another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Toujours en mode de reggae ce soir à Mélomanes sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec un magnifique groupe qui gagne à être connu, The Abyssinians, fermement établi dans le roots reggae, fervent pratiquant et revendicateur du mouvement Rastafari, qui est vraiment une religion et pas seulement des espèces d'hippies, fumeurs de ganja, comme on l'oublie souvent. Mais c'est aussi un groupe avec des belles harmonies vocales qui rappellent le temps révolu du rocksteady dont on a parlé plus tôt. Et on a entendu les Abyssinians avec leur fameuse Declaration of Rights de 1976. On n'oublie pas qu'on est toujours dans notre marathon du mois de l'histoire des Noirs, évidemment. Sinon, un classique des classiques, juste avant, encore une production de Lee Scratch Perry avec son groupe The Upsetters. On a entendu Max Romeo avec Chase the Devil de 1976. Celui à qui on doit aussi le fameux War in Babylon, une espèce de leitmotiv qui est omniprésent dans le reggae. Et c'était précédé de Bob Marley et de ses Wailers avec War en 1976. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué à quel point la production était plus clean que le Sun is Shining de tantôt, produite par Lee Scratch Perry, qu'on a justement entendu juste avant avec son propre nom, sous son propre nom cette fois-ci, ou du moins celui de son groupe The Upsetters avec Return of the Super Ape. En 78, pièce dans laquelle on peut l'entendre, on peut entendre l'homme fou du dub briser des trucs dans son studio à grands coups de masse. Il n'y a pas eu ce surnom-là pour rien, disons. Et sinon, le fameux Desmond Dekker, juste avant, la star du ska et du rocksteady avant Bob Marley. D'ailleurs, quand les Beatles s'adonnent au nouveau son ska avec Obladi Oblada en 68, ben c'est pas un hasard si Paul McCartney parle d'un certain Desmond dans ses paroles. C'est une référence directe à Desmond Dekker qu'on a entendu ici avec son classique 007 Shantytown de 1967. Et nous, ben, on y retourne avec le guitariste original des Wailers, un certain Peter McIntosh, en 99 ans et 88.9 CFNJ. Come make we play some should be, how when me should be, you feel catchy, and when you're catchy, don't make it drop, cause if it drop, it will pop, and if it pop, no one can mend it, cause if them mend can easily bend it, so we are good. Catch you, catch you. Should be tonight. All night long, we are good. Catch you, should be tonight. Tell me if you like it. Catch you, should be tonight. All night long, we are good. Catch you, should be tonight. Don't take too long to learn, just you do as I say. It may only take 1 hour or 2, and by the next time you will know what to do. We are both catchy, should be tonight. Should be tonight. All night long we are go get you, should be tonight. Mm-hmm, get you, should be tonight. Come make we play some, catch it, should be. And when me should be, should be tonight. Your mama don't like catch it. Should be tonight. Your papa don't like it. Catch it. Should be tonight. Long time I'm waiting. Catch it. Should be tonight. Get you right where you're. Catch it. Should be tonight. All night long, we are go catch it. should be, should be tonight. Me and you are go catch it, catch it. Should be tonight. Tell me if you like it, catch it, catch it. Should be tonight. All night long, should be tonight. Should be tonight. Know you like, catch it, catch it. Shubby, shubby, shubby tonight. Come back to me, catch it, catch it. Shubby, shubby tonight. Catch it, catch it. Shubby, shubby the one on the land with a temperature of 85 degrees Fahrenheit. Kind of warm in Kingston today, baby. Yeah. Now you've learned what curling love is. What can you do more than love it? Because it made them love it. And then the daughter them a scrub it. The naughty J them love it. And the sister them rub it. Canati J locked it. Move ya down in the house of dread. Anati J locked it. Come on down in the house of dread. Yeah, and him gone so. And him kick so him pass so. Cannot be jail locked in. Down in the house of dread, not of jail. Then my father's children, down with the children, children. And him sing and him swear. Down with the children play. All the time, people, they used to say this word. If you can beat it, you got to friend it and be true. I said to be young, give to them black, cause where it's at. But if you beat me, you can beat my word. Righteousness is brought to the nation, and righteousness stands continually. Yeah. Love one another like sisters and brother, that's to say. Each and every day from I was born until this day, I would say. Yeah. But I'd like to find out one thing. What's the real meaning of love? Yeah. People, what we need is to understand each other. Understand one another, I would say. Can I teach you a lot, Jay? Don't in a Babylon. A lot, Jay. Don't in a Babylon. Never really get it. Don't in a Babylon. No Babylon, yeah. Don't in a Babylon. And you talk with the hydrin. Don't in a Babylon. You walk with the hydrin. Don't in a Babylon. You can't walk free. In a Babylon. Baby. In a Babylon. Yeah. Each one gets paid according to his works, baby. On the man and the and the liar and the thief and the we can't feel it, I would say. To thee, to hide. caused me to hear thy love and kindness in the morning. For indeed, do I trust, caused me to walk in thy way. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Rasta man, him come from Zion. of Babylon. Say, I know your evil plan, Mr. Babylon. Feed us with your brutality. Turn your back on humanity. You got no love and no enmity, man. Say you're wrong, man. Say you shouldn't trouble Jaja plan. Because you're Naya, man. You took away our father's gold, robbed them of their sevenfold. Say come, we gonna run. Et toujours à Meloman Reggae, ce soir sur les ondes de CFNJ 89.1 à 88.9, avec encore un bel exemple du son Rocksteady, ancêtre du Roots Reggae dont on parlait tantôt, avec Johnny Too Bad, un classique du groupe The Slickers en 1970. Qui suivait Freddie MacGregor, figure emblématique d'un sous-genre de reggae qu'on va appeler le Lover's Rock, une sorte de reggae au thème un peu plus romantique. D'ailleurs, Lover's Rock, ça va devenir un titre de chanson pour les Clash, toujours grandement influencé par la musique jamaïcaine sur l'album London Calling. Mais bref, Freddie MacGregor, on l'a entendu avec son plus gros hit, Bobby Babylon de 1979. Qui suivait ici un autre membre fondateur? Oh non, c'est pas vrai, on n'a pas eu le temps de faire jouer lui. On voulait faire jouer Bonnie Wailer du groupe The Wailers, mais le temps nous presse. On a aussi entendu un autre gros nom du dub, Tapazuki, toujours en 76, avec Beautiful Dub, qui suivait le self-made man Yabby You, chanteur et producteur qui se produisait lui-même tous ses trucs avec son plus gros hit Deliver Me From My Enemies de 1977, précédé par un autre exemple de DJ ou toaster dont on parlait tantôt, Big Youth, qui est certainement un des plus gros noms du genre avec son classique de 1978, House of Dreadlocks, le tout amorcé par Peter Tosh, membre fondateur des Wailers, en version solo avec Ketchy Shubi, extrait de son légendaire Legalize It de 1976. Et c'est ce qui nous amène à la fin de cette émission où on a exploré l'âge d'or du reggae et qui met aussi fin à notre marathon d'un mois consacré au mois de l'histoire des Noirs. Donc j'espère que vous avez apprécié, que vous avez découvert qu'il n'y avait pas juste Bob Marley qui faisait du reggae. Et nous, ben, on se donne rendez-vous mercredi prochain, 20h, pour un autre mélomane. Et moi, ben, je vais vous laisser. Voyez-vous, on va aller juste placer ça, question de pouvoir entendre ce qui vient. On va y aller avec quelque chose qui est du dub de Ras Michael et The Sons of Negus. Mais tout d'abord, j'aurais le goût de vous faire entendre une reprise d'un groupe canadien qui s'appelait The Guess Who. Donc, on y va avec ça. Tout ça en vous souhaitant une merveilleuse nuit. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Wipe the tears from your eyes.